Metal Express avec Eric. Chers auditeurs de Radio Heavy Metal, merci d'être à l'écoute. Je vous rappelle donc que vous êtes dans le Metal Express. C'est Eric avec vous donc pour vous accompagner chaque lundi de 19h à 21h. Et ce soir encore, c'est un programme d'enfer qui vous attend. Je vous rappelle donc que nous avons des partenariats radio. Il y a Radio Frequenzik, Les Spirits et Canal Fuzz Radio. Radio Heavy Metal a sa page Facebook, mais ça vous le savez, puis elle a également la page Facebook du Metal Express. Donc si vous avez envie de me laisser un petit message, n'hésitez pas, je répondrai. Je voudrais encore remercier au passage toutes les personnes qui m'ont encore envoyé des mails la semaine dernière. Vous avez été encore une fois de plus très très nombreux et ça me touche énormément. Ça prouve que le Metal Express est de plus en plus écouté. Merci à vous tous. Allez, on va attaquer le Metal Express un peu différemment par rapport à les autres mois, puisque là, on va commencer dans les années 88 avec Metallica. Ça s'appelle Black Ned, extrait de l'album Injustice for All. Allez, bonne écoute. On est ensemble jusqu'à 21h. We'll be right back. ça fait du bien, Metallica, Black Ned. Allez, maintenant, on va poursuivre avec un groupe qui s'appelle Equinox. Cet album s'appelle The Cry of Gaia. C'est sorti donc le 4 mai de cette année. Et puis, c'est des musiciens très connus, puisqu'il y a entre autres Pascal Mulot et puis In Office. Allez, voici une très belle reprise de Queen, ça s'appelle The Show Must Go On. Première sortie officielle donc chez Mystic Prod, le groupe Equinox. Cet album s'appelle The Cry of Gaia et à l'instant on a écouté le morceau The Show Must Go On, superbe reprise donc de Queen. C'est un album que je vous recommande. Vous allez donc sur le site de Equinox, vous allez également sur la page Facebook et vous allez voir tout ça. En attendant, voici un groupe qui s'appelle Follow the Sifferer. Et ce morceau s'intitule Starlight. Allez, bonne écoute. Le groupe s'appelle Follow the Cipher et le morceau qu'on a écouté, Starlight. Allez, voici maintenant un groupe qui s'appelle Guitar Rouge. C'est un artiste et donc l'album s'appelle Life is Rock'n'Roll. C'est sorti le 12 janvier chez Kebras Records. On écoute... The confusing days when it all makes you mad. Whoa, yeah, life is rock and roll. Whoa, yeah, life is rock and roll. For the smile you see and the girls you kiss, for the rain and the sun and all the love stories. Donc s'appelle Guitar Rouge, le morceau qu'on a écouté, Life is Rock'n'Roll, on peut l'écouter sur iTunes, Deezer, et puis vous pouvez également consulter ces portails web du groupe, également il y a 10 vidéos sur YouTube et puis Instagram, il y a également son site web www.guitare.rouge et puis également la page Facebook Guitar Rouge. Vous pouvez également joindre par mail prod@patkebra.com, soit aussi également par téléphone au 06 88 47 88 33 et vous demandez Pat Kebra. Allez, voici Anvil, ça s'appelle Ego. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. We all deplore. Everything is done for you. Change your diet. Voilà donc, c'était le groupe Anvil avec Ego. Allez, tout de suite, voici Crystal Ball avec SOS. S'appelle Crystal Ball et on a écouté le morceau SOS. En attendant, voici un groupe qui s'appelle Agiro, donc ils sont faits Campois. Ils seront en concert ce vendredi 1er juin à la Frégate à Fécamp, donc à 18h30, pour présenter donc son nouveau EP qui est sorti le 18 mai, qui s'intitule Dance Witch Machado. Alors venez-y, nombreux et nombreuses. En attendant, on va écouter un morceau de Agiro qui s'intitule Gang Down. Bonne écoute dans le Metal Express. Okay, I just checked, getting back up to that first step. It's not even collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. Pretty good total jump. At the foot of the ladder, the limb. Dans le Metal Express, c'est rien que pour vous, le groupe Fécampois Agiro avec le morceau Gang Down. Je vous rappelle donc qu'ils seront en concert vendredi 1er juin à la Frégate de Fécamp à 18h30 pour présenter son nouveau EP qui s'intitule Dance With My Shadow. Donc venez-y nombreux et nombreuses. Je vous rappelle qu'il y a Grégory le prêtre guitare chant, Florian Réau à la batterie chant et Jérôme Scotti basse chant. Donc ils ont également une page Facebook, vous pouvez aller y faire un petit tour et puis voir tout ça. En attendant, voici Judas Priest et on écoute le morceau Lightning Strike, extrait de leur nouvel album Power Fire. Of a nightmare from hell. Voilà, donc si j'allume pas le micro, ça va pas le faire. Donc l'album s'appelle Firepower, parce que je crois que je me suis complètement lourdé tout à l'heure. Et le morceau qu'on a écouté donc, Lightning Strike, allez, voici maintenant un groupe qui s'appelle Blood of the Wolf, intitulé le morceau Sunder the Strand of War. Bonne écoute! Metal Express. Metal Express. Allez, maintenant, on va retrouver un groupe qui s'appelle les Diables de la Garrigue avec le morceau Gatar. Vous allez voir, c'est une musique très entraînante. Allez, on écoute. We'll be right back. Ouf, ça fait du bien, vraiment, vraiment. Le groupe s'appelle Les Diables de la Garide avec Garta, et franchement, c'est excellent, on a bougé dans le studio. Allez, voici un groupe qui s'appelle Overdrivers et Rocking Hell, le morceau. Rock'n'roll survolté, donc le groupe Overdrivers avec Rockin' Hell. Tout de suite, voici un groupe qui s'appelle Asphodelia et on écoute Heroes. Bonne écoute dans le Metal Express. Hey mom, can't you see? I feel I'm going down. du très bon dark symphonique italien. Il s'appelle Asphodelia et le morceau qu'on a écouté est Heroes. Voici Graveheart et ça s'appelle Gold Love, pardon. C'est une nouveauté. Du calme, tout se passe bien. Écoutez, voici le coup de cœur de la semaine de votre radio. Et ouais, c'est mon coup de cœur. Voici Graveheart et Gold Love, donc. Follow me, I don't know. Le groupe est suédois, il s'appelle Graveyard, avec le morceau Cold Love, donc c'était mon coup de cœur de la semaine. Allez, voici maintenant un groupe français de rock qui s'appelle Varsovie, et le morceau qu'on va écouter, Killing Anna. excellent groupe français de rock donc qui s'appelle Varsovie avec le morceau Killing Anna. Ils ont une page Facebook, vous pouvez aller y faire un petit tour. Et tout de suite, les dédicaces. Et oui, oui, les dédicaces. Donc comme chaque semaine, voici la première donc qui m'a été demandée par Jean-Michel pour lui-même donc Judas Priest avec All Guns Blazing. Bonne écoute. Twisting the strangle, the river won't give no mercy. Feeling those tendons ripped tied up in me. Judas Priest, All Guns Blazing. Donc ça m'a été demandé par Jean-Michel pour lui-même. La seconde dédicace, donc c'est Stéphane pour Camille pour leurs 10 ans de mariage samedi. C'est pas beau ça? C'est AC/DC, ça s'appelle Highway to Hell. Bonne écoute! Living free, Morceau qui m'a été demandé donc par Stéphane pour Camille pour leurs 10 ans de mariage samedi. Donc je vous souhaite un très bon anniversaire. Donc c'était AC/DC avec I Wait So Well. Tout de suite, une autre dédicace qui m'a été demandée par Rubens pour Katia. Ça s'appelle Cat Butts et c'est Joe Satriani. On écoute. Voilà, donc c'était Rubens demandé pour... Non, c'est Rubens qui a demandé ce morceau pour Katia, Joe Satriani avec 4 battes. Tout de suite, voici AC/DC Thunderstruck. C'est demandé donc par une fidèle Valérie Robas. Ensuite, il y aura Europe avec Winds of Tomorrow et puis les Guns N' Roses Live and Let Die. Bonne écoute! Yeah! ACDC avec Thunderstruck, suivi de Europe avec Winds of Tomorrow. Et à l'instant, donc, on a eu les Guns N' Roses avec Live and Let Die. Tout de suite, voici un groupe français, un groupe de death metal, voire black metal, s'appelle My Leg, I'm a Vess. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Le Trône et c'est demandé par Crocus. Alors ça c'est marrant. Come on. Voilà, le groupe s'appelle le Melek Amoves et le morceau qu'on a écouté, Le Trône. D'ailleurs, ils ont sorti ils ont réédité donc cet album en vinyle. Donc, si vous voulez voir ça, vous allez sur leur page Facebook. Voici une autre dédicace et ça, c'est de ma part d'ailleurs. C'est pour mon ami Avalon Louis Chameau, ça s'appelle Madame Guillotine et le morceau qu'on écoute, La Gauche Caviar. Bonne écoute! Voilà, donc c'était Madame Guillotine avec La Gauche Caviar et c'était pour mon ami Avalon Louis Chameau. Allez, voici Copperhead, ça s'appelle Reclaim. We'll be right back. Voilà, donc c'était Copyright avec Rick Aim, demandé par Rémi de Nantes. Tout de suite, voici le groupe Dark Revengers avec Live or Die, demandé par Katia. Time. heavy metal, le groupe s'appelle Dark Revengers avec le morceau Live or Die. Ça a été demandé donc par Katia de Caen. Tout de suite, voici Rammstein et le morceau qu'on va écouter s'appelle Strepped et ça c'est pour Pierrot. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped. Let me see you stripped. There's nothing but this. You breathing in fumes. I taste when we kiss. Take my hand, come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Let without your television, let me hear you speaking just for me. Rammstein, donc à l'instant dans le Metal Express avec Strepped, c'était donc pour Pierrot. Ta radio revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour ça, contacte Radio Heavy Metal sur Facebook. Et oui, oui, donc rien de plus simple sur la page Facebook. Vous nous contactez, un petit message, et puis vous passez à l'antenne. Voici, on attend The Black Sorcery, et ça s'appelle, Incursion. Très bestial, donc le groupe s'appelle The Black Sorcery et le morceau qu'on a écouté donc s'appelle Incursion. Tout de suite, voici un autre groupe assez brutal et notamment s'appelle Brutal God et le morceau qu'on écoute s'appelle Dawn is Dawn. Let's go. Voilà, c'est tout pour ce soir, donc j'espère que vous avez passé de bonnes heures dans le Metal Express. Nous, on se retrouve donc lundi prochain, donc spécial Metal 80, et oui, prenez bien note, spécial Metal 80, donc lundi prochain. L'émission donc sera en rediffusion, c'est-à-dire mardi sur Canal Fuzz Radio à partir de 20h jusqu'à 22h et sur Radio Fréquence Zik dimanche de 21h à 23h. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, de réécouter l'émission, vous allez sur ces deux radios. Il y aura également donc le podcast et ça sera demain sur la page Facebook Radio Heavy Metal et la page Facebook Metal Express. Allez, moi je vais vous laisser avec Spack et son émission Vampire Pricks. Allez, moi je vous dis à lundi. Allez, ciao!